qu'il faut faire pour être heureux? Car plus j'en ai et plus j'en veux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Personne sur terre n'exauce mon vœu. Je me fous des grosses races pour être heureux. Je bouffe comme un dégueulasse pour être heureux. Je m'achète des nouvelles godasses pour être heureux. Je me maintiens dans la crasse pour être heureux. Je me fais des copains pour être heureux. Je me lève pas le matin pour être heureux. Je fais des tas de dessins pour être heureux. Mais ça sert à rien vu que tout le monde fait mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Car plus j'en ai et plus j'en veux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Personne sur terre n'exauce mon vœu. Je me branle tous les soirs pour être heureux. J'en fous partout mon plumard pour être heureux. Je me tranche au rasoir pour être heureux. Du sang plein la baignoire, c'est fabuleux. Tu crates sur la tête, oi, pour être heureux. Des piercings à la quéquette, aïe, pour être heureux. Penser que tout le monde est bête, pour être heureux. Et une haine qui s'entête, de poussant à foutre le feu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Car plus j'en ai et plus j'en veux. Qu'est-ce qu'il faut grand-mère pour être heureux? Je l'ai violé dans un cimetière pour être heureux. Je me suis piqué à l'éther pour être heureux. Vomi dans un monastère pour cracher mon amour à Dieu. Je suis allé au putain pour être heureux. Je me suis fait enculer par un chien pour être heureux. J'ai regardé TF1 pour être heureux et me suis noyé dans ma salle de bain. Qu'est-ce qu'il faut faire